Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des stations de radio qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne, donc à chaque semaine. Et bien sûr, comme je le disais tantôt, on est rendu à 15 stations qui diffusent l'émission un peu partout à travers le Canada. Donc c'est magnifique. Merci à toutes les stations. Je tiens à remercier Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Et pour ce qui est de l'Ontario, je remercie les stations CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, où ça a commencé il y a 25 ans, et aussi CFRH 88.1-106.7, la radio francophone du comté de Simcoe en Ontario, où chaque semaine, je préenregistre l'émission et je le partage comme ça avec toutes les stations de radio pour faire entendre l'excellente musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Donc, deuxième partie du Bloc de l'Est, Québec-Ontario. On va y aller tout simplement avec un gars de Toronto qui vient de lancer une chanson par rapport à sa ville. Eh oui, Kiris vient nous offrir une nouvelle chanson qui s'appelle « Toronto ». Vous allez voir, quand même une excellente chanson, toujours dans l'atmosphère un peu « world beat », la musique du monde, mais quand même assez intéressant, merci. Et puis, on va entendre Michel Lalonde, ex-membre de Garoulou et de La Raquette à Claquette. Il vient de lancer son album « Comme un engin » et je regardais Facebook cette semaine et il partait de Québec pour continuer à faire des spectacles et il y avait comme un pied de neige partout, donc c'est pas évident. On va entendre la chanson « Je suis fait comme ça » de l'album « Comme un engin ». Mais pour l'instant, voici de Toronto, Kiris, qui chante une chanson à propos de sa ville, Toronto. On suit les berges du lac Ontario. Bicyclette, le vent dans le dos. On peut gagner la course et s'offrir le ciel quand le soleil se couche. Rougit les gratte-ciels, planter nos racines, en croiser des milliards. The city of dreams, tonight will be ours. Tout

Ponette et sa chanson « Un peuple debout », excellente musique blues, folk, rock engagé, comme il sait faire depuis le tout début. Monette, qui a commencé à faire de la musique avec Cormoran à l'époque, dans les années 90, et a fait une carrière solo par la suite. C'est son quatrième album qui s'en vient fin février environ. Donc, ça s'en vient très, très vite. Et puis, si c'est comme Un peuple debout, ben ça risque d'être la bonne musique blues, folk, rock, assez solide, avec d'excellents textes engagés, qui veut dire quelque chose, qui nous raconte, qui nous dénonce quelque chose. Donc, c'est vraiment génial. Ce qui est génial, c'est qu'il partage ça aussi avec des jeunes. Il est responsable du projet Focus chansons et musique dans les écoles secondaires de l'Est de l'Ontario. Donc, et puis c'est vraiment génial. Il invite les jeunes à faire de la musique en français dans les écoles. Et puis, les jeunes découvrent une chose magique qui est la musique. Et donc, vraiment, un beau travail de ce côté-là. Donc, on a hâte de recevoir l'album. Si c'est comme Un peuple debout, je vous le rappelle, ça risque d'être fort intéressant. Ça nous amène à notre bloc instrumental et j'ai décidé de vous donner deux jazz women. Il y en a une, elle a pris sa retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Elle est flûtiste, flûte traversière. Elle a sorti un excellent album qui s'appelle « Porte ouverte ». Une porte s'ouvre. Et sur cet album-là, il y a la pièce qui s'appelle « Pavane pour un infant défunte ». Donc, excellent jazz francophone. Mais c'est instrumental, vous allez voir. Elle joue de la flûte traversière. Marie-Véronique Bourque, retenez ce nom-là. Allez découvrir ça sur Google ou Facebook. C'est magnifique, vous allez voir. Mettez la main sur son album, c'est excellent. Autre jazz woman qui fait de l'excellent produit, Marie-Véronique Bourque de la Saskatchewan. Michel Grégoire est du Manitoba, de Winnipeg. Et sur son album Diversity, il y a une pièce que j'aime bien, Three of Four in the Morning. Elle est pianiste jazz. Elle a travaillé justement avec Marie-Véronique Bourque sur son album. Donc, c'est une pianiste jazz, excellente pianiste jazz, qui a étudié des maritimes dans la région d'Halifax, si je ne me trompe pas. Donc, elle est maintenant au Manitoba. Vous allez voir, très bonne pièce au piano, qui s'appelle « Three of Four in the Morning ». Et son album est vraiment magnifique, fait Michel Grégoire sur Google ou Facebook. Et vous allez découvrir là aussi une excellente musicienne. Donc ça s'en vient, « Three of Four in the Morning ». Mais pour l'instant, de son album « Une porte s'ouvre », la compositrice Marie-Véronique Bourque nous offre une excellente chanson qui s'appelle tout simplement « Pavane pour une infante défunte ». Voici Marie-Véronique Bourque. Thank you.